France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Lorsque je racontais que j'arrivais de la Chine à pied, que j'avais voyagé pendant 8 mois au Tibet, traversé des régions inexplorées et passé 2 mois à Lhasa, nul ne trouva, tout d'abord, un mot à me répondre. Littéralement, personne n'en croyait ses yeux. Dernière page du livre « Voyage d'une Parisienne à Lhasa » paru en 1927 d'Alexandra David-Nel. Un pays, le Tibet, raconté en 1955 sur la radio-télévision française chaîne nationale par l'exploratrice écrivain 30 ans après son aventure, première occidentale à Lhasa en 1924. Série d'entretiens avec Michel Manol en 9 épisodes dans l'émission « Le Tibet tel que je l'ai vu » à écouter tout de suite 9e et dernière émission diffusée le 21 février 1955 autour de la littérature tibétaine. Le Tibet tel que je l'ai vu. Michel Manol interroge Alexandra David-Nel. Montage radiophonique, Harold Portnoy. Nous avons évoqué au cours de ces entretiens les divers aspects de la vie tibétaine, mais il en est un sur lequel le public est peut-être moins informé et qui me paraît présenter un très vif intérêt, c'est la littérature. Ce qui m'y fait penser, c'est le grand nombre de livres tibétains qui se trouvent dans cette pièce. Madame David-Nel me dit qu'elle en a 3 ou 4 fois autant dans sa bibliothèque, ce qui me laisse à penser que la littérature tibétaine est importante. Ce que vous voyez là, ce n'est qu'une petite partie de ma collection de livres tibétains. Les autres livres et les manuscrits se trouvent dans une autre pièce qui me sert de bibliothèque. Mais il existe en Europe des collections de livres tibétains qui comprennent beaucoup plus de volumes que ma collection personnelle. J'ai pourtant une centaine d'ouvrages. Mais je me suis principalement attachée à ne rapporter que des livres qui ne figuraient pas dans les bibliothèques officielles, des ouvrages peu connus ou encore inconnus. Il fallait oublier et éviter les doubles emplois. Cette chasse aux livres, à laquelle je me suis livrée pendant des années, m'a amenée à visiter nombre d'endroits isolés. Elle m'a aussi attiré quelques aventures, plus ou moins désagréables, ou plus ou moins amusantes. Je dois vous dire que les Tibétains illettrés, paysans ou pasteurs des grands alpages, croient que tous les livres contiennent des exposés de la doctrine du Bouddha. Et à ce propos, tous les livres sont vénérables. Ils ont aussi l'idée superstitieuse que les livres, parce qu'ils contiennent la parole du Bouddha, possèdent certains pouvoirs occultes bienfaisants. Maintes fois, il m'est arrivé d'être arrêté en cours de route parce que de braves gens ayant appris qu'un ou deux de mes sacs contenaient des livres me demandaient de demeurer chez eux pendant quelques jours pour qu'ils puissent vénérer les livres. Il m'était souvent difficile de me dérober à cette invitation. Alors, on déballait les livres, on les plaçait sur un autel, on allumait des lampes devant eux, on brûlait des baguettes d'encens et tous les Tibétains des environs venaient se prosterner devant les livres. Ces arrêts ont été motivés par des gens qui, voulaient que les livres produisent des miracles pour eux. Une fois, ces gens que l'on appelait des rong ou doc, c'est-à-dire des gens qui pratiquent à la fois la culture dans la vallée et l'élevage sur les plateaux herbeux, ces gens-là étaient affligés à cause de plusieurs mois de sécheresse. Les pâturages séchés, manquaient de pluie, l'herbe devenait rare et les troupeaux se nourrissaient mal. Quant à moi, au contraire, je jouissais de ce temps sec et j'espérais qu'il se me tiendrait pour me permettre de franchir agréablement deux cols qui se trouvaient sur mon chemin. Et voilà où mes désirs contrastaient avec ceux des pasteurs. Cependant, il me fallut m'arrêter et laisser déballer les livres. De plus, le lama Yongden, mon compagnon de route, fut aussi prié de réciter des formules propres à amener des chutes de pluie ou de neige. Et j'étais partagé entre le désir que les formules manquassent d'efficacité et que nous puissions continuer notre route par beau temps, et aussi la crainte d'impressionner fâcheusement nos hôtes en nous montrant impuissants. En effet, l'impuissance de nos livres et des formules psalmodiées par Yongden nous aurait discrédités. Et dans ces régions, celui qui n'inspire pas du respect et la crainte dont s'accompagne ce respect peut s'attendre à être pillé. Enfin, l'astuce de Yongden réussit. Franchîmes le premier col, partant sec. Et comme du haut de celui-ci, nous vîmes tomber la pluie dans la direction des autres que nous venions de quitter. Notre honneur était sauf. Il ne plut pas dû sur le versant par lequel nous descendions. Et nous aussi, nous fûmes saufs, puisque nous jouîmes du beau temps. Mais je m'attarde à bavarder, je dois vous ennuyer. Revenons à la littérature tibétaine. J'hésite à vous dire qu'elle est immense. En dehors de Milarepa, dont la réputation a dépassé depuis longtemps les frontières du Tibet, il faut avouer que nous n'avons qu'une idée très approximative de cette littérature. Parce que je ne sais pas si je puis inscrire au compte de la littérature tibétaine la quantité considérable d'ouvrages consistant en des traductions de livres philosophiques sanscrits. Beaucoup de ces traductions ont été faites entre le 9e et le 11e siècle. Quant à ce qui constitue la littérature tibétaine proprement dite, j'entends les ouvrages dus à des auteurs indigènes, elle ne manque pas d'importance non plus, et il s'en faut qu'elle ait été entièrement explorée. Nous avons, dans la catégorie des livres historiques, le Tertön Nyenpo, qui se présente comme une série de chroniques. Le Gyalrap, l'histoire de la dynastie des rois du Tibet, cette dynastie se terminant en l'an 900 par l'assassinat du roi Langdharma. Il y a aussi trois ouvrages qui sont consacrés respectivement à l'histoire de l'avènement du bouddhisme dans l'Inde, en Chine et au Tibet. Comme historien en renom, nous avons Tertön. La vie des lamas célèbres n'a pas manqué certainement d'inspirer les auteurs tibétains. Il existe de nombreuses biographies, presque toutes de lamas ou de personnalités religieuses. Les biographies de Marpa, Tilopa, de Rekchonpa, de Tsongkhapa, le fondateur de la secte des Gelugpa, dont la doctrine est devenue la religion officielle du Tibet. Encore la biographie de Milarepa, qui a été excellemment traduite en français par M. Jacques Bacot. Cette biographie est l'un des ouvrages les plus lus du Tibet. Puis, les biographies d'hommes aux aventures singulières, des thaumaturges comme Ralopa. Vous en avez donné de nombreux et éloquents extraits dans votre livre « Textes tibétains inédits ». Je citerai brièvement un miracle attribué à ce Ralopa. Un médecin en renom vint le trouver. « Je voudrais, lui dit-il, que vous accomplissiez pour moi un miracle, mais un miracle tel que vous n'en avez jamais fait. » Sans lui répondre, Ralopa leva l'index, le dirigeant vers le soleil. Et le soleil tomba dans la plaine en face du médecin. Un nouveau signe de Ralopa, le soleil reprit sa place dans le ciel. Mais il était devenu froid, tandis que la lune était devenue chaude. Le médecin se déclara satisfait. Ah bon, l'aurait été à moi, je pense. Et il offrit de grands présents à Ralopa. Ah, les choses se terminent toujours ainsi au Tibet. Il y a aussi les ouvrages attribués à des lamas chefs de grande secte, les Sakyapa, les Karyupa, les Dzogchenpa et bien d'autres. Mais ne trouvons-nous pas non plus au Tibet l'équivalent de l'Iliade des Grecs, un poème attribué à Guessard de Ling? Ce héros n'est pas tout à fait mythologique, il a dû être le chef d'une horde tibétaine du pays de Kham. Dans ce pays, au Tibet oriental, on montre un château qui aurait été celui de Guessard, j'y ai séjourné. Vraisemblablement, Le bâtiment actuel est très postérieur à l'époque où vivait Guessard, qui devait être entre le 7e et le 8e siècle. Mais ce bâtiment peut avoir été construit sur un emplacement qui est dit avoir été occupé par Guessard. Il y a plusieurs versions de l'épique, une version mongole, une version de l'Ada, et au Tibet oriental, la version de Kham. C'est le pays du héros. Cette dernière version est tenue pour être la plus complète. Le Lama Yongden et moi, nous l'avons notée pendant nos séjours au Tibet oriental, en faisant chanter quotidiennement un barde pendant 6 semaines consécutives. Et nous avons ensuite publié cette traduction sous le titre de « La vie surhumaine de Guessard de Ligne ». Le grand orientaliste très regretté, Sylvain Lévy, a honoré notre ouvrage d'une préface. L'épopée relate une série de guerres dans lesquelles interviennent des dieux et des démons, des guerres entremêlées d'événements fantastiques, mais qui apparaissent toujours comme férocement sanglants. Nous serions curieux d'en entendre un extrait. Un ancêtre du présent roi Tazik avait noué des relations avec un magicien qui, après s'être enfermé dans une caverne, s'était transformé là en une masse de feu. Il avait promis au roi que si jamais un de ses descendants était attaqué, il descendrait de sa caverne sous la forme d'un torrent de flammes pour faire un rempart de feu à sa forteresse. Et voilà que Guessard attaque ce roi Tazik. Voici ce que Guessard voit du haut de son belvédère. Guessard s'envole. Il a un cheval volant. Il se pose au sommet d'un col. Le texte dit comme un grand vautour. Et de là, Guessard regarda. Il vit au-dessous de lui l'immense armée de Tazik évoluant dans la plaine et sa haute forteresse décorée de drapeaux multicolores. Au sommet de l'édifice hérissé de tridents et de gyaltsen d'or, Tazik parut sombre et fier. Il se tourna vers la montagne où l'ermite s'était emmuré. Il fit un geste. Il dit un mot, et soudain le roc qui closait la caverne roula au fond de la vallée, le feu jaillit, descendit en cascade, entoura la forteresse d'un lac de flammes et barra la route du palais de la montagne où le roi gardait ses trésors. Mais tout cela n'avança pas beaucoup, parce que Guessard avait des pouvoirs magiques, il éteignit le feu et il assiégea la forteresse avec ses soldats. Les soldats de Tazik résistèrent vaillamment, mais sans succès. À la porte de l'Est, Dikchen trancha d'un coup de sable la tête d'un guerrier. À l'autre porte, on perça la tête d'un autre guerrier d'une flèche. À la porte de l'Ouest, un chef fut fendu en deux. À la porte du Sud, un autre, une cœur transpercée. Puis, les troupes de Guessard étant entrées dans la citadelle, ils y firent un carnage épouvantable de tous ses occupants. Tazik, le roi et son fils étaient parmi les victimes. Ensuite, le soir venu, l'armée victorieuse campa autour de la forteresse. Le lendemain, les soldats amassèrent toutes les armes qui s'y trouvaient, enlevèrent les armures des morts, ils en firent des ballots pour être transportés à Ling, et ensuite Guessard partit avec 600 hommes pour le palais de la montagne afin de prendre possession des trésors qu'il renfermait. En dehors de cette épopée de Guessard de Ling, n'existe-t-il pas dans la littérature tibétaine des poèmes élégiaques? Voici quelques lignes du roman du Bosquet des Lotus, dont le sujet est les amours de deux abeilles. En un certain temps, il existait un endroit charmant qui était dénommé Bosquet de l'amoncellement des Lotus. Dans ce jardin, un nombre incalculable d'abeilles voltaient constamment, prenant leur plaisir parmi les lotus. Entre toutes ces abeilles, un couple se distinguait particulièrement. Le mâle était une très petite abeille de la couleur de l'or, et la femelle une abeille d'un bleu turquoise. Les deux époux s'aimaient éperdument. Ils ne cessaient d'échanger d'amoureux propos et de se regarder tendrement. Ah, c'est très joli, mais le drame survient. Madame Abeille s'était attardée, elle était gourmande sans doute, s'était attardée au cœur d'un lotus pour en sucer le nectar. Le temps se couvrit, les lotus pressentant l'orage se fermèrent et Madame Abeille fut emprisonnée dans le lotus où elle était. Pendant ce temps-là, Monsieur Abeille, qui voltait beaucoup plus haut dans les airs, vit le mauvais temps et redescendit en hâte vers sa femme. Mais il vit la fleur fermée, il entendit les plaintes dans la prison que formait le lotus et il ne put en desserrer les pétales. Désespéré, il alla demander à vivre divers animaux réputés pour être puissants et habiles. Et ici, il y a un tableau sarcastique de la société. Tous ceux à qui ils s'adressent tardent de pouvoir aider le quémandeur et ne s'occupent que de leurs propres affaires, continuant la routine des gestes civils et religieux, la comédie qui ne sert à rien. Alors l'orage redouble, les plantes du bosquet sont détruites, tout le paysage est saccagé, les lotus se sont cachés sous l'eau et la pauvre abeille emprisonnée a été étouffée. Puis, le soleil se montre de nouveau, les lotus remontent au-dessus de la surface de l'eau, ils s'ouvrent de nouveau. La fleur dans laquelle son infortunée épouse avait été emprisonnée s'était enfoncée sous l'eau. Au moment de l'orage, la voilà qui réémerge et apparaît le petit corps écrasé contre les pétales de la pauvre abeille. À cette vue, Dabian fut saisi d'un tel désespoir qu'il lui sembla que son cœur se brisait, les torrents de larmes inondèrent ses joues. Devant lui, dans la brillante clarté d'un soleil radieux, les lotus s'ouvraient largement et parmi une multitude d'abeilles voltaient, s'ébattaient gaietement. Mais Nayen, sa femme, couleur de turquoise, n'était plus qu'un peu de poussière et lui demeurait à jamais seul. Parmi la succession des Dalaï Lamas, il en est un qui a laissé la réputation d'un saint lettré, mais qui manquait totalement d'aptitude pour l'état ecclésiastique. J'aimerais que vous nous en parliez. Ce fut le sixième Dalaï Lama. Il s'appelait Tsangyang Gyatso. C'était un libertin. Nous avons lu un érudit traité de philosophie, mais aussi des vers d'amour. On voici pris au hasard. Je suis allé près du plus excellent des lamas le prier de guider mon esprit, et je n'ai pu, même en sa présence, fixer mon esprit sur lui. Il s'était évadé allant vers mon amour. J'évoque en vain la face de mon maître. Elle ne surgit pas dans mon esprit, mais sans que je l'appelle, la face de l'aimé se lève en lui et le bouleverse. À l'est, sur la cime de la montagne, la blanche clarté de la lune luit. Le visage d'une jeune fille dans mon esprit passe et repasse. La distance des étoiles peut être mesurée en traçant des dessins sur le sable. Mais bien que je connaisse la douce chair de son corps, je ne puis sonder la profondeur du cœur de l'aimé. La fille dont la chair est si douce dans le lit, mon aimable maîtresse, ne me doute-t-elle pas pour dérober mon argent et mon bien? Voilà qu'il me vient des doutes. Avec la jeune marchande au marché, en trois mots, j'ai noué un nœud d'amour. Je ne l'ai pas dénoué par un mensonge, il s'est dénoué de lui-même en chacun de nous. Et puis alors, il y a une anecdote qui est très célèbre au Tibet, c'est que ce Yongchen Gyatso sortait la nuit, il avait fait pratiquer une porte dérobée au potalin, et la nuit, il se sauvait et courait le guilbu. Alors voilà, pendant une nuit, Il est tombé de la neige, et quand il est revenu, l'empreinte de ses pas était marquée sur la neige, on les a suivis, on a vu à quelle porte il conduisait, et il a été découvert. Alors, voici les vers qui s'y rapportent. « Vieux chien jaune barbu, plus sagace que les hommes, ne dis pas où je vais au crépuscule, ne dis pas que je reviens à l'aube. Au crépuscule, je suis sorti en quête d'amour. À l'aube, de la neige était tombée, il n'y a pas à en faire ou non un secret, la trace de mes pas est marquée dans la neige. Ce que l'on dit de moi, en esprit, j'en admets la vérité, le jouvenceau au pas léger est allé à la maison de l'hôtesse. La maison de l'hôtesse, c'est une fémie en tibétain qui signifie une maison de prostitution. » Et si nous revenions maintenant à Milarepa, qui est l'ascète le plus populaire du Tibet, mais n'a-t-on pas contesté l'authenticité de beaucoup de ses poèmes ? Mais il y a tout lieu de croire qu'une grande partie de ses poésies sont apocryphes. Et en voici quelques-unes vraiment qui ont tout caractère d'authenticité. Je me prosterne à tes pieds, ô mon maître, que par ta grâce, je puisse ne pas quitter cet ermitage. Voici Changchubzong, ma demeure solitaire. En haut, la neige des glaciers de Shiva. En bas, un nombre immense d'adorateurs vertueux. Au fond, de hautes montagnes ferment l'horizon, semblable à un brillant voile blanc. Devant moi, des forêts épaisses, de larges gazons et de beaux prés. Sur les fleurs riches en odeurs, le susurrement des abeilles. Au bord de l'étang, un héron fier tourne le cou et regarde au loin. Dans le feuillage épais des arbres verts, le cœur sonore des oiseaux se fait ouïr. Les rameaux agités par la brise parfumée se balancent doucement en des rythmes gracieux. Dans l'eau des branches, visibles de toutes parts, des singes sautillants folâtrent vivement. Sur les molles prairies en parure d'été, le bétail broutant se promène lentement et j'entends des bergers les flûtes harmonieuses. Les commerçants, épris de la joie mondaine, apportent leurs marchandises par-ci et par-là. Voyant tout cela de mon haut manoir, tout ce qui se présente me paraît sans vie. Les jouissances du monde, elles me sont un mirage. La vie qu'on vit là-bas, vaine tromperie d'un rêve. J'ai vivement pitié de ces pauvres imprudents. Et en voici une autre, très courte alors. Moi, Mila, vieil homme, qui nu se couche sur la dure, de sagesse et de mémoire, je suis né. Mes lèvres chantent une petite chanson, car la nature entière ouverte devant moi m'est un livre. Le bâton de fer tenu dans ma main m'accompagne à travers l'océan de la vie. Voudriez-vous nous dire maintenant un poème qui résume une des conceptions de la vie vue par un ermite tibétain? Voilà ce que Milarepa pensait. Je me prosterne à tes pieds, ô mon maître, que par ta grâce, je puisse ne pas quitter cet ermitage. Sans que mon bonheur soit connu de mes amis, sans que ma tristesse soit connue de mes ennemis, si je puis ainsi mourir dans cette solitude, je croirai avoir atteint mon but. Vieux, sans secours de mes amis, malade, sans secours de mes proches, si je puis ainsi mourir dans cette solitude, je croirai avoir atteint mon but. Mourant, sans secours des hommes, mon cadavre pourrissant, caché au vautour, si je puis mourir ainsi dans cette solitude, je croirai avoir atteint mon but. Sans personne pour procéder à mes funérailles, sans que nul pleure ma mort, si je puis mourir ainsi dans cette solitude, je croirai avoir atteint mon but. Sans que nul demande où je suis allé, sans qu'aucun puisse indiquer mon but. Si je puis mourir ainsi dans cette solitude, mon but sera atteint. Quand la caverne de la vallée solitaire, que ses vœux du mendiant mourant, soit profitable à tous les êtres, et moi l'ermite, je serai satisfait. Eh bien moi aussi j'ai vécu dans un ermitage, un peu de la façon de Milarepa, et j'ai répété ses vers, et j'ai souhaité comme lui, la même chose. Et puis, je ne suis pas morte dans mon ermitage. Probablement, les dieux ne m'en ont pas trouvé digne. Je le regrette. Et maintenant, me permettez-vous, madame, de vous demander de prendre congé de nos auditeurs par la formule que les Tibétains emploient lorsqu'ils quittent leurs amis. Ah, très bien. Il y a de moi leur dire. Kale Judenja, Kale Peprona, Kale Judenja, ça veut dire « Asseyez-vous doucement, mais peut-être que vous êtes assis, la part d'entre vous. » Et « Kalepe » pronom, ça veut dire « Allez-vous-en doucement. » «